Rome, chapitre 16 et dernier. Le lendemain, au retour du cimetière, après l'enterrement, Pierre déjeuna seul dans sa chambre, en se réservant de prendre l'après-midi congé du cardinal et de Donna Serafina. Il quittait Rome le soir, il partait par le train de 10h17. Rien ne le retenait plus. Il n'y avait plus qu'une visite qu'il voulait rendre, une visite dernière au vieil Orlando, le héros de l'indépendance, auquel il avait fait la formelle promesse de ne point retourner à Paris sans venir causer longuement. Et, vers 2h, il envoya chercher un fiacre qui le conduisit rue du 20 septembre. Toute la nuit, il avait plu, une pluie fine dont l'humidité noyait la ville d'une vapeur grise. Cette pluie avait cessé, mais le ciel restait sombre, et les grands palais neufs de la rue du 20 septembre, sous ce morne ciel de décembre, avaient des façades livides, d'une mélancolie interminable, avec leurs balcons tous pareils, leurs rangs réguliers de fenêtres qui n'en finissaient pas. Le ministre des Finances, surtout, ce colossal entassement de maçonnerie et de sculpture, prenait une apparence de ville morte. La tristesse infinie d'un grand corps exsangue, dont la vie s'était retirée. La pluie avait adouci l'air, il faisait presque chaud, une tiédeur moite de fièvre. Pierre, dans le vestibule du petit palais de Prada, fut surpris de se rencontrer avec 4 ou 5 messieurs en train de retirer leurs paletots, et un serviteur lui dit que monsieur le comte avait une réunion avec des entrepreneurs. Puisque monsieur l'abbé venait voir le père de monsieur le comte, il n'avait d'ailleurs qu'à monter au 3e étage, la petite porte à droite sur le palier. Mais au 1er étage, Pierre se trouva brusquement face à face avec Prada, qui recevait ses entrepreneurs. Et il remarqua qu'il devenait, en le reconnaissant, d'une pâleur affreuse. Depuis l'épouvantable drame, il ne s'était pas revu. Aussi, le prêtre comprit-il quel trouble sa présence éveillait chez cet homme, quel souvenir importun de complicité morale, quelle mortelle inquiétude d'avoir été deviné. « Vous venez me voir, vous avez quelque chose à me dire ?»« Non, je pars, je viens faire mes adieux à votre père. » La pâleur de Prada s'accrut, un frémissement agita toute sa race. « Ah, c'est pour mon père. Il est un peu souffrant, ménagez-le. » Et son angoisse confessait clairement, malgré lui, tout ce qu'il redoutait. Une parole imprudente, peut-être même une mission, derrière la malédiction de cet homme et de cette femme qu'il avait tué. Sûrement, son père en serait mort, lui aussi. « Ah, est-ce contrariant? Je ne puis monter avec vous. Ces messieurs sont là qui m'attendent. Mon Dieu, que je suis contrarié! Dès que je vais le pouvoir, je vous rejoindrai. Oh, tout de suite, tout de suite. » Ne sachant comment l'arrêter, il fallait bien qu'il le laissât se trouver seul avec son père, pendant que lui-même restait là, cloué par ses affaires d'argent qui périclitaient. Mais de quels yeux de détresse il le regarda monter, comme il le suppliait de tout son frisson. Son père, le seul amour véritable, la grande passion pure et fidèle de sa vie. « Ne le faites pas trop parler, égayez-le, n'est-ce pas ?» En haut, ce ne fut pas Battista, l'ancien soldat si dévoué à son maître, qui vint ouvrir, mais un tout jeune homme que Pierre ne remarqua point d'abord. Et ce dernier retrouva la petite chambre, toute nue, toute blanche, tapissée simplement d'un papier clair à fleurettes bleues, avec son pauvre lit de fer derrière un paravent, ses 4 planches contre un mur servant de bibliothèque, sa table de bois noir et ses 2 chaises de paille pour tout mobilier. Et par la fenêtre, large et claire, sans rideaux, c'était le même admirable panorama de Rome. Toute Rome, jusqu'aux arbres lointains du Janicule. Une Rome écrasée ce jour-là, sous un ciel de plomb, envahie d'une ombre de morne tristesse. Mais le vieil Orlando, lui, n'avait pas changé. Avec sa tête superbe de vieux lion blanchi, aux mufles puissants, aux yeux de jeunesse, étincelant encore des passions qui avaient grondé dans cette âme de feu. Pierre le retrouvait sur le même fauteuil, près de la même table, encombré par les mêmes journaux, les jambes enveloppées, ensevelies dans la même couverture noire, comme si ses jambes mortes l'eussent immobilisé là, dans une gaine de pierre, à ce point qu'à des mois, à des années de distance, on était sûr de l'y revoir sans nul changement possible, avec son buste vivant, sa face qui éclatait de force et d'intelligence. Cependant, par cette journée grise, il paraissait abattu, le visage assombri. « Ah, vous voici, cher monsieur Froment. Depuis 3 jours, je songe à vous. Je vis les atroces jours que vous avez dû vivre dans ce tragique palais Boccanera. Mon Dieu, quel épouvantable deuil! J'en ai le cœur retourné. Ces journaux viennent encore de me bouleverser l'âme avec les nouveaux détails qu'ils donnent. » Il indiquait les journaux épars sur la table. Puis, il écarta d'un geste la sombre histoire, cette figure de Benedetta morte qui le hantait. « Voyons, et vous ?»« Je pars ce soir. Je n'ai pas voulu quitter Rome sans serrer vos mains vaillantes. »« Vous partez ? Mais votre livre ?»« Mon livre, j'ai été reçu par le Saint-Père. Je me suis soumis. J'ai réprouvé mon livre. » Orlando le regarda fixement. Il y eut un court silence, pendant lequel leurs yeux se dirent, sur le cas, tout ce qu'il y avait à dire. Et ni l'un ni l'autre ne sentit la nécessité d'une explication plus longue. Le vieillard conclut simplement. « Vous avez bien fait. Votre livre était une chimère. » « Oui, une chimère, un enfantillage, et je l'ai condamné moi-même au nom de la vérité et de la raison. » Un sourire reparut sur les lèvres douloureuses du héros foudroyé. « Alors, vous avez vu, vous avez compris, vous savez maintenant. » « Oui, je sais. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu partir sans avoir avec vous la bonne et franche conversation que nous nous sommes promises. » Ce fut une joie pour Orlando. Mais tout d'un coup, il parut se rappeler le jeune homme qui était allé ouvrir la porte, puis qui avait repris modestement sa place sur une chaise à l'écart près de la fenêtre. C'était presque un enfant, 20 ans à peine, imberbe encore, d'une beauté blonde comme il en fleurit parfois à Naples, avec de longs cheveux bouclés, un teint de lys, une bouche de rose, des yeux surtout d'une langueur rêveuse et d'une infinie douceur. Et le vieillard le présenta paternellement. Angiolo Mascara, le petit-fils d'un de ses vieux camarades de guerre, l'épique Mascara d'Émile, qui était mort en héros, le corps troué de 100 blessures. « Je le fais venir pour le gronder, » continua-t-il en souriant. « Imaginez-vous que ce gaillard-là, avec son air de fille, donne dans les idées nouvelles. Il est anarchiste, des 3 ou 4 douzaines d'anarchistes que nous comptons en Italie. Un brave petit, au fond, qui n'a plus que sa mère, qui la soutient, grâce au maigre emploi qu'il occupe et d'où il va se faire chasser un de ces beaux matins. Voyons, voyons, mon enfant, il faut que tu me promettes d'être raisonnable. » Alors Angiolo, dont les vêtements usés et propres disaient en effet la misère décente, répondit d'une voix grave, musicale, « Je suis raisonnable. Ce sont les autres, tous les autres qui ne le sont pas. Quand tous les hommes seront raisonnables, voudront la vérité et la justice, le monde sera heureux. » Ah, si vous croyez qu'il cédera, cria Orlando. Ah, mon pauvre enfant, la justice, la vérité. Demande à monsieur l'abbé si l'on sait jamais où elles sont. Enfin, il faut te laisser le temps de vivre, de voir et de comprendre. Et, sans plus s'occuper de lui, il revint à Pierre. Mais Angiolo resta dans son coin, l'air très sage, les yeux ardemment fixés sur les interlocuteurs, les oreilles ouvertes et frémissantes, ne perdant pas une de leurs paroles. « Je vous l'avais bien dit, mon cher monsieur Froment, que vos idées changeraient et que la connaissance de Rome vous amènerait à des opinions plus exactes, beaucoup mieux que tous les beaux discours dont j'aurais tâché de vous convaincre. Ainsi, je n'ai jamais douté que vous retireriez votre livre de votre plein gré, comme une erreur fâcheuse, dès que les choses et les hommes vous auraient renseigné sur le Vatican. Mais, n'est-ce pas, mettons le Vatican de côté. Il n'y a là rien à faire qu'à le laisser crouler dans sa ruine lente et inévitable. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui me passionne encore, c'est la Rome italienne, notre Rome si amoureusement conquise, si fiévreusement ressuscitée, que vous traitiez en quantité négligeable, et que vous avez vue, et dont nous pouvons parler en gens qui se comprennent maintenant que vous la connaissez. Tout de suite, il concéda beaucoup, avoua les fautes commises, reconnut l'état déplorable des finances, les difficultés graves de toutes sortes, en homme d'intelligence et de bon sens, qui, cloué par la paralysie, loin de la lutte, avait les journées entières pour réfléchir et s'inquiéter. Ah, sa conquête, son Italie adorée, pour laquelle il aurait voulu donner encore le sang de ses veines. Ah, quelles inquiétudes mortelles, à quelles indicibles souffrances elle était de nouveau tombée. Ils avaient péché par un légitime orgueil. Ils étaient allés trop vite en voulant improviser un grand peuple, en rêvant de faire de l'antique Rome une grande capitale moderne, d'un simple coup de baguette. Et de là, cette folie des quartiers neufs, cette spéculation démente sur les terrains et sur les constructions, qui avait mis la nation à deux doigts de la banqueroute. Doucement, Pierre l'interrompit, pour lui dire la formule à laquelle il en était arrivé après ses courses et ses études dans Rome. Oh, cette fièvre, cette curée de la première heure, cette débâcle financière, ce n'est rien encore. Toutes les plaies d'argent se réparent. Mais le grave est que votre Italie reste à faire. Plus d'aristocratie, pas encore de peuple, et une bourgeoisie née d'hier, dévorante, en train de manger en herbe la riche moisson future. » Il y eut un silence. Orlando hocha tristement sa